Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et on donne le coup d'envoi avec Arc of Life, un groupe formé de musiciens reliés à Yes. On y retrouve notamment Billy Sherwood, qui a remplacé Chris Squire au sein du groupe, ainsi que le chanteur John Davison, qui pendant une certaine époque a chanté pour Glasshammer et qui depuis maintenant 10 ans fait partie de Yes, et autre nom connu, Dave Kersner, qui a notamment joué avec Steven Wilson, Steve Hackett. C'est leur second album qui a pour titre Don't Look Down. Ça a été lancé il y a quelques semaines maintenant. Et un premier album est apparu en 2021 sous le titre simplement de Arc of Life. Comme vous pouvez le deviner, ben, on n'est pas très éloigné de Yes, comme vous allez pouvoir le constater d'ailleurs dans quelques instants. Et puis on aura aussi d'Italie, Reale Accademia di Musica. C'est l'album L'Ame di Luce, on a déjà présenté une pièce, ce sera la pièce In Country. Et puis, par la suite, Marc, on demeure en Italie. Oui, tout à fait. On aura la formation L'Estate di San Martino, qui a été fondée en 1975, mais qui n'avait pas réalisé d'album avant les années 2000. Alors, ils ont 4 albums à leur actif, 2007, un second en 2012, en 2015, et le plus récent, donc, Kim, dont on vous présentera un extrait, qui est paru le 11 novembre. Et la formation est constituée de 7 musiciens, plus un bassiste invité. Ce sera le cas pour la pièce qu'on écoutera ce soir, la pièce Il Monaco Pierre. Et ce sera suivi de la nouveauté de l'artiste italien Carmine Capasso, qui vient de faire paraître le 2 décembre son nouvel album Assenza di Gravità. Et il y a sur ça 10 musiciens, plus 15 invités. De plusieurs formations récentes du rock progressif italien, mais également des musiciens qu'on connaît à la scène internationale, comme Kimo Posti de Samurai of Prague, par exemple. Alors, on aura la pièce Immobile, c'est notre second extrait à l'émission. Également, à partir de 21h30, on aura un spécial d'une heure avec la formation américaine Bubble Math, qui a fait paraître 3 albums dans les années 2000. Et ce sera le claviériste Kai S. Benson qui sera avec nous pour nous présenter des pièces de ses albums, dont leur excellent nouvel album Turf Ascension qui est paru cette année. Mais comme vous disait Michel, on débute d'abord avec la formation Arc of Life. Yeah.

te crude solo quadri con le tue virtù. Fiori neon spegni e impolverati più. Sul tavolo riviste sfoglio senza leggere che c'è. Un titolo si stampa ancora qua. Ripenso ancora ancora i miei progetti messi via. Voglio sperare che ci sia spazio in questo mondo anche per me. Ma resto qui, immobile, sognando ancora. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. En 2023, CKRL va fêter son 50e anniversaire. Vous avez le goût de célébrer avec nous? Réservez votre soirée du 17 février. Dès 17h, à l'hôtel Château-Laurier, nous vous invitons à un happening festif à l'esprit de retrouvailles, ouvert à tous les anciens de la radio, bénévoles ou employés, et à notre fidèle auditoire. Au menu, des discussions ponctuées de bouchées du Georges V, un spectacle intimiste dont on vous dévoilera bientôt la teneur, un DJ set et plus. Les billets à tarifs modulables pour 50, 100 ou 150 $ par personne sont disponibles sur lepointdevente.com. Tous les détails sur le site de CKRL. Le 17 février, venez célébrer 50 ans de CKRL avec nous. Dance me to the end of love. Ben écoutez, c'est littéralement une bombe qui vient de tomber dans le monde du hockey, là. On vient d'apprendre, de sources sûres, et ce, contre toute attente, que Montréal a échangé... Ça vous laisse sur votre faim de pas savoir ce qui se passe avec votre équipe de hockey préférée? Imaginez pas savoir si vous allez manger ce soir. Personne ne devrait rester sur sa faim. La Guignolée des médias vous invite à donner chez Provigo et Maxi ou à guignolée.ca. Chez Lefèvre, s'inscrit comme une boulangerie de quartier incontournable depuis toujours. Authentique qualité, fraîcheur et inspiration s'exprime dans chacun des produits fabriqués sur place, avec toute la passion et l'amour du métier. Pour les fêtes, nous offrons une gamme de bûches à déguster et à partager en famille. Nos bûches sont offertes en trois saveurs, traditionnelles, caramel, fleur de sel et à l'érable. Nous proposons les bûches en trois formats, bébé, moyenne et grande. Réservez votre bûche aujourd'hui en appelant le 418-522-4441. Chez Lefèvre, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie et plaisir des fêtes. 1296, 3e avenue. Ton oreille a soif. Fais boire ton oreille. Ton oreille a soif. Fais boire ton oreille. Depuis maintenant 18 ans, le duo Grondin et Lantier vous convie à une dégustation de saveurs oubliées, de la musique psychédélique à son meilleur, et tout ça pour le plus grand plaisir de vos tympans. Tous les jeudis 22h au 89.1. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. consulter la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Comme Marc l'a mentionné tantôt, on a un spécial sur la formation américaine Bubble Mat, un groupe fondé dans le milieu des années 90 et qui a trois albums à son actif, Such Fine Particle of the Universe en 2001, Edit Peptide en 2017 et Turf Ascension qui est le prétexte pour notre spécial, le tout nouvel album paru en 2022 et un des bons albums de l'année, je pense que Marc est d'accord avec moi. Et je laisse la parole parce que c'est Kai S. Benson, le claviériste, qui va vous présenter les pièces. Je lui laisse la parole. Okay, first up, we have Be Together. If we lived in a universe where Bubble Math actually had hit songs, Be Together would probably qualify as our one and only hit. It's an audience favorite anyway. And also the vocal melody just kind of plows through all pentatonically, seemingly oblivious to the harmonically angular chords and voicings underpinning it all. And after that, we'll be hearing Cells Out, which is a personal favorite of mine because it's one of only a handful of Bubble Math songs where I get to sing lead. If you're an astute listener, pay attention to the part at timestamp 3:02, I think, where John's guitar and Blake's guitar chords are played atop one another as an 8/9 polyrhythm, using a common pulse to divide their two parts perfectly within the same temporal space. worth knowing, and all of my brain blows out through my nose when you're smiling. And still I'm piling up the tears through the years, clogging up my eyes. I can see you looking at me, baby. Why can't we ever be together? Want something from your attention? Let me go. I'm not afraid to die. So these next two tracks are a bit longer than the two tracks you just heard, so settle in. First, you'll be hearing A Void That I Can Depart To, which is a song about a guy who desperately tries to escape the siren call of late-stage capitalism by running off to live in the woods. But urban sprawl keeps spreading out and ruining his solace, so eventually, instead of running away, he decides to run for office to try to elicit systemic change from within the system itself. And then after that is The Sensual Con, which is about the absurdity of consensual crime, which is to say, the absurdity of criminalizing things where all participants are consenting adults. The song was inspired by the book Ain't Nobody's Business If You Do by Peter McWilliams. Check it out! isn't freedom funny? We can't help but notice you spend all your time and money passing your panicky laws, pulling people under while happily snapping your jaws. And it makes us wonder why you intrude on the lives of adults consenting when all your intolerant drives are what need preventing. We'll be right back.

right, next up we have Decrypted, which at just under 10 minutes long is the shortest track on our new album, Terp Ascension. Decrypted is about an apple tree, which, despite being completely hollow and severed from its roots, continues to bloom every year. It's dead, but it doesn't know it's dead. It doesn't realize how hopeless its situation is as it strives toward a future that it can never achieve. And the story of the tree serves as a narrative hook, acknowledging the unyielding power of genetic imperative as a whole and the circle of life eternally persevering against overwhelming odds. And then after that, we have Refuse, which is about the human urge to conduct warfare, past, present, and future, as illustrated through unchecked weapons technology. Musically, this one sounds the most like what people might think of as classic Bubble Math, and it's probably my favorite one to play live. Oh, Greetings, this is Kai Esbenson of Bubble Math, and you're listening to Terra Incognita, directly from Quebec City.

Well, I hope you've enjoyed what you've heard here. We of Bubble Math are incredibly honored and grateful for the opportunity to present you with this selection of tracks. Thank you all so much for tuning in. This is Kai Esbensen of Bubble Math signing off. Take it easy. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Les métiers des arts et de la culture, il y en a une foule. Ça demande des gens de talent qui créent, innovent et soulèvent la fierté. Ça fait des vies remplies d'imprévus, des journées qui suivent sans se ressembler, des avenirs hauts en couleur. De la gérance à l'enseignement, de la gestion au numérique, quel que soit ton engouement, tu vas trouver le métier qui va te passionner. Pour découvrir des gens et des carrières hors de l'ordinaire, visite culturemoi.ca. Culture et moi, des métiers de sens et de passion. Un message du gouvernement du Québec. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita, on remercie encore une fois Kai Esbensen pour sa participation à ce spécial de 60 minutes avec la formation américaine Bubble Math. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura un second extrait du nouvel album de Myriodor, qui est une formation canadienne-québécoise fondée à Sainte-Foy en 1980. Alors, c'est un extrait de leur nouvel album, Éléments, qui vient de paraître au début décembre. On aura la pièce Embuscade. On aura également un second extrait du nouvel album de la formation italienne légendaire Banco del Mutuo Soccorso. Et c'est leur nouvel album Orlando, Les Formes de l'Amore, qui vient juste de paraître 50 ans après l'apparition de leur tout premier album en 1972. Et c'est vraiment un album excellent. Alors, on vous le recommande chaudement. On aura ici la pièce La Maldicenza. Et Michel, pour débuter le bloc musical, on ira avec un claviériste italien. Oui, Marc, on va voir un extrait du sixième album du claviériste italien Alex Carpani. L'album a pour titre Microcosm. Et c'est un album que Carpani a réalisé avec pas mal d'invités. On y retrouve notamment David Jackson, Theo Travis de Porcupine Tree, John Davison, chanteur de Glass Hammer et de Yes, et David Cross, ancien King Crimson. Donc, une belle brochette d'invités pour cet album. Et on va écouter la pièce Prime Numbers. We'll be right back. Thank you. C'est déjà le temps de vous quitter, et ce soir, on a choisi un extrait de l'album de PFM, un double album en concert qui a pour titre Live in Japan 2002, et ce sera la pièce de Sea of Memory, avec comme invité spécial nul autre que Peter Hamill. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. If only we remembered as much as we forget. The past's a distant ocean we can't go back to yet. We wait down in the valley until the soil by hand, feeling the weight of water built up behind the dam. Left and right, up and down, head over heels, that's the only way that we know. Down and up, right and left, over and over, tumbling on with the flow. Through time our ghosts are swimming like schools of angel fish. We have no way of feeling the flow of water under the bridge.